engine sequence start. Ignition. Respire. Affaiblir. Non, la société n'est pas responsable. They want to drive Christians and Jews out of vast regions of Asia and Africa. These terrorists kill not merely to end lives. They stand against us because we stand in their way. Je vois bien trop de mal qui m'entourent. Je vois bien qu'ils mentent tous. Au final, peu de gens, cela coule tranquillement cousent. T'as sûrement pu croiser ces sentiments louches, allant jusqu'à te gratter tes derniers sentiments tous. Les esprits fous sont partout et ils s'emparent de tout. C'est sans remords qu'ils te regarderont la corde au cou. Bon d'accord, tout le monde n'est pas en tort, j'avoue. Mais extrêmement rares sont ceux qui t'accordent tout. Tu les crois chaque jour sous diverses apparences, mais bien déguisés car ils te dupent en toute transparence. Apparemment ils sentent qui leur fera ou non confiance. Et c'est en toute conscience qu'ils riront de ta souffrance. Ma souvenance, on n'est pas avec un mauvais fond. Alors dis-moi qu'est-ce qui peut les changer au fil des saisons là. Seule chose qu'on puisse affirmer sans faire d'objection, c'est que partout où ils vont, ils sèment la déception. J'ai ces gens sans pitié, prétendant briller. Ceux-là même qui depuis longtemps ne sont plus pieux, qui dans le sang n'ont plus pied. Je préfère te prévenir, il vaut mieux parfois se méfier des sourires. J'ai ces gens sans honneur, détruisant le bonheur. Équipé de sonar, toujours gratteur, mais jamais d'honneur. Un conseil, voilà venir, car ils ne te laissent que des mauvais souvenirs. Et peu importe qui tu es, ils ne feront pas d'exception. Non, leur plus grand kiff c'est de se jouer tes perceptions. Ils ont l'air dévoués, te montrent même des marques d'affection. Mais dans ton cœur, ils ne feront que faire naître l'infection. Rien n'est net dans leur discours, honnête pas pour un sou. Parle de tes problèmes, ils tomberont dans l'oreille d'un sourd. Parle d'oser, ils arrivent d'un coup. Mais reste sur tes gardes, car au quart de tour ils partent dès que tu t'égares. Ils en font des dégâts, te traitent avec des dents. Fais gaffe, ils font peut-être partie de ceux que tu appelles tes gars. Tombé dans la paranoïa, je me méfie plus qu'avant. Puisqu'à en croire les faits, les traîtres deviennent plus savants. Et plus j'avance, plus je me noie dans leur océan de mensonges. Ce ne sont pas eux qui te sortent de la merde, au contraire ils t'enfoncent. Et quoi que tu fasses, ils te suivront à la trace. Si tu représentes un avantage pour leur caste, un conseil, casse-toi. J'ai ces gens sans pitié, prétendant briller. Ceux-là même qui depuis longtemps ne sont plus pieux, qui dans le sang n'ont plus pied. Je préfère te prévenir, il vaut mieux parfois se méfier des sourires. J'ai ces gens sans honneur, détruisant le bonheur. Équipé de sonar, toujours gratteur, mais jamais d'honneur. Un conseil, voilà venir, car ils ne te laissent que des mauvais souvenirs. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse.